Salmia mangaribi aleo mujina bwana Yesu Kristu. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Mine mi alika mpate kusimama. Nous lirons dans les Saintes Écritures. Tu tasoma ndani ya maandiko takatifu. Dans l'Évangile selon Luc. Mu injili ya Luka. Chapitre 19. Sura ya 19. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Tutaanzia kusoma mstari wa kwanza. Jusqu'au verset 10. Luc chapitre 19. Luca sura 19. Nous lirons à partir du premier verset. Tutaanzia mstari wa kwanza. Jusqu'au dixième verset. Kufika paka ku ya kumi. Gloire, gloire. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Mungu Awezo Yote, Alpha et Omega, Alpha na Omega, le même hier, aujourd'hui, éternellement, Moja Moja Jana na Leo na Hata Milele, Dieu d'Abraham, de Jacob, Mungu Ibrahim wa Yakobo, et d'Isaac, na wa Isaka, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Tuko tena na shukrani ya mkubwa mangaribi ya leo. Pour les privilèges que tu nous donnes. Dieu y faida notre patia tena. Et pouvoir nous tenir en ta présence. Yachete pato kusimama mpuepo wako. Il est écrit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom. Imeandikwa pale bawili batatu majikusanya mchina langu. Je suis au milieu d'eux. Niko katikati yapo. Et a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Nous confessons nos fautes et nos manquements. Nous branchons tous de différentes manières. Ne considère pas nos fautes. Considère l'œuvre que tu accomplis sur le bas du calvaire. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Et efface toutes nos transgressions. Guéris toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Car il est écrit, celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est une nourriture pour nos âmes. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes debout pour honorer ta parole. Nous pouvons lire ces livres, peut-être nous savons lire et écrire. Il n'y a que le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous l'interpréter. Ainsi envoie l'onction. Car c'est l'onction qui enseigne. Circoncis nos cœurs et nos lèvres. Envoie le glorieux Saint-Esprit. Pour pouvoir nous enseigner. Visite-nous d'une manière particulière ce soir. Nous voulons qu'à la fin de cette réunion, nous puissions nous dire l'un à l'autre. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Mais nous avons été enseignés de Dieu. Accorde le Père pour ta gloire et pour notre édification au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 19, verset 1. Luka sura 19 mstari ya kwanza. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Yesu alingia mu Yeriko alitambuka muji. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mwikale. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Tazama mtu mtajiri jina lake Zakayo, mkubwa wa publikayo, alitafuta kumuona Yesu. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de cette parole. Aujourd'hui, nous allons nous partager un sermon de Frère Branham intitulé Zachée. Frère Branham a prêché deux sermons. Ndoku Branham marubiri maubiri mbili. Le premier en 1958. Ya kwanza 1958. Il a intitulé Zachée. Ariita sema Zakayo. Le deuxième, Zachée l'homme d'affaires. Ya pili aliita sema Zakayo mtu mfanya biashara. Et il a apporté en 1963. Na ile alihubiri mu 1963. Tous les deux sermons parlent de la même chose. Ile mahubiri yote mbili unasemea mambo moja. Celui que nous abordons ce soir, nous l'avons intitulé Zachée. Na ile che tunaanza mangaribi leo tunaita sema ni Zakayo. Dans le passage de l'écriture que nous venons de lire, il est écrit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Dans cette ville de Jéricho, vivait un homme riche. Et cet homme s'appelait Zachée. Na ule mutu jina yake ilikuwa ni Zakayo. Cet homme était un chef de publicains. Ule mutu alikuwa ni mkubwa wa watoza kodi. Les publicains. Batoza kodi. Étaient des collecteurs d'impôts. Balikuwa ni bale beko na beba ma impo ya yalita. Dans le temps de la Bible. Mwakati ya Biblia. Les pays d'Israël étaient sous la domination de l'Empire romain. Ainsi, les tribus, les impôts, les taxes étaient prélevés pour les comptes de l'Empire. Et Zachée était un juif. Mais qui travaillait pour les comptes de l'Empire romain. Il prélevait les taxes, les impôts. Et à cause de son travail, il s'est fait une fortune. Tous les connaissaient. Il savait. Et l'argent qu'il avait, c'était de l'argent sale. Parce Parce que les hommes meurent, les esprits restent. Dans le temps de Zachée, les publicains étaient presque autonomes. C'était presque une profession libérale. Mais ils étaient affiliés à l'Empire. Et il prélevait les taxes sur le peuple. Nabarkwa na beba mampalata yule wa taifa. Est-ce qu'il était honnête avec l'équitance? Eti alikuwa ni mtu akunyoloka na ile mampalata yake ranza kubeba? Tous savaient. Bote barichu. Et toutes ces richesses que Zachée possédait. Et kwamba ile mali yote ilikuwa na Zakayo. Lui venait de l'argent sale. Et pourtant, il était devenu riche. Mais tous connaissaient qu'il était un homme pécheur. Mais cet homme était un homme religieux. Il était dans la loi mosaïque. Il avait la religion. Et pourtant, il n'était pas sauvé. Parce que la Bible témoigne qu'il était pécheur. Vous ne pouvez pas être et pécheur et sauvé au même moment. Parce qu'il ne peut pas être le jour en même temps la nuit. Vous ne pouvez pas être en même temps ivre et en même temps sobre. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas être pécheur en même temps sauvé. Cet homme qui était religieux était un homme pécheur. Mais cet homme, selon les commentaires de Frère Branham, avait une épouse croyante qui assistait au réunion de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne cessait de témoigner à son mari. À cause de ces témoignages, cela provoqua une soif dans le cœur de son mari pour voir qui était Jésus. Mais Jésus, quand il entrait dans une ville, c'était le commun du peuple qui le suivait, qui l'écoutait avec joie. Zachée, comme il était riche, il ne voulait pas se mélanger au commun du peuple. C'était en même temps pour lui comme une honte. C'est pourquoi, comme il avait besoin de voir qui était Jésus, il décida de le devancer. Comme il connaissait l'itinéraire, par où il devait passer. Et il monta dans un arbre. Nakapanda kumuti. Sur un sycomore. Muti ya mukuyu. D'abord pour monter, ce n'est pas facile. Japo njua kupanda tu ene kipesi. Mais il fit un effort. Lakini alifanyaka nguvu. Et finalement il monta. Nakisha alipanda. Et s'assit au croisement des deux branches. Nakekale katikati ya mapanda njia ya muti. Et il se camoufla entre les feuillages. Parce qu'il voulait passer inaperçu. Il voulait être caché en même temps. Voir qui était Jésus. Vous pouvez vous cacher devant les hommes. Mais vous ne vous cacherez jamais devant Dieu. Lakini hawezi kujificha kamwe mbele ya Mungu. Dans les religions, mu dini yabo, ils étaient instruits. Barifundishiwa. que quand les prophètes qui avaient été promis par Moïse allaient venir sur la terre, il serait le Messie. Il serait le prophète promis. Il allait même dévoiler les secrets de cœur. Israël attendait ses prophètes. Israël kwa nachunga ule nabi. Exactement comme la femme samaritaine. Paka vile sa ule mwanamke msamaria. Qui avait eu le glorieux privilège de se tenir dans sa présence. Ule alipata ile bahati ya kushimama mwepo wake. Alors qu'elle est allée chercher de l'eau au puits. Pale ya rinda kutafuta maji kule kushima. Et le Seigneur lui dit, femme, donne-moi à boire. Na, bwana alimwambia kama mwanamke unipatie maji ya kunywa. Et dit, mais le puits est profond. Akasema ile kishima kiu kia kirefu. Et toi tu es juif, na pas ton accoutrement. Na woku muyuda vile unashakuvwala. Moi je suis une samaritaine. Mie ni kumusamaria. Il n'y a pas de communion entre les deux peuples. Hakuna ushirika katikati ya mataifa mbili. Et le Seigneur lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Bwana kamwambia si kama ulijua zawadi ya Mungu. Et celui qui te demande à boire. Na ule kuna kulomba maji ya kunywa. Tu lui aurais toi-même demander de l'eau. Et te donnerait de l'eau. Na kupatia maji. Qui est une source. Yenye kuya chem chem. Qui jaillit. Ile unabubujika. Jusque dans l'éternité. Kufika hata mumilele. Il dit alors, donne-moi cette eau-là. Ase basi unipatie le maji ile. Je n'aurai plus le temps de revenir puiser. Mimi takuwa tena wakati ya kurudia nianze kushota. Va appeler ton mari. Asema wende kaite bwana yako. Je n'ai point de mari. Mimi sina na bwana. En cela tu as dit vrai. Ah, mwile mambo nasema kweli. Tu as eu 5 maris. Ulikuwa na mabwana batano. Et celui avec lequel tu vis. Na ule unaishi naye hapa sasa. Ne pas ton mari. Ashina bwana yako. Oh! Asema oh. Nos pères nous ont dit que quand les prophètes viendraient. Asi baba yetu tumesi wakati nabii atakuja. Wakati Masihi atakuja. Il fera toutes ces choses. Atafanya hivi mambo hivi tunafanya. C'est moi. Asema ni mie. Qui suis le Messie. Ni mimi ndio Masihi. Moi qui te parle. Mimi unakuambia na kusumuzi. Le nom de Jésus ça glorifie. Jina ya Bwana Yesu litukuzwe. C'était la même chose avec. Et quand namna mmoja na Zakayo. Dans la religion mosaïque, il connaissait. Mudini ya Musa balikuwa washakujua. Que le prophète qui avait été promis par Moïse. Ya kwamba ule nabii alikiwa na Musa. Serait le Messie. Alipasha kuwa ni Masihi. Voilà que Zachée monte dans l'arbre. Pale sasa Zakayo akapanda kumuti. Il se camoufle dans le feuille. Akajificha mlo majani. Et il vit le Seigneur de loin, pressé par la foule. Na kaona bwana kwa mbari ashakusongwa na nkunji. Et lui s'est camouflé correctement. Na yeye alijificha mzuri sana. Il savait qu'il allait passer inaperçu. Alijosema abata muona. Mais quand le Seigneur arriva en dessous de l'arbre. Lakini wakati bwana alifika chini ale muchi. Il s'arrêta. Akashimama. Il leva les yeux. Akalamusha macho yulu. Il appela par son nom. Akamuita mujina lake. Il dit, Zachée. Asema Zakayo. Hâte-toi de descendre. Harakisha upate kushuka. Car il faut. Kwani nafai. Que je demeure dans ta maison. Nipate kwa kubakia leo mnyumba yako. Et la Bible dit. Na Biblia nasema. Et Zachée s'est hâte de descendre. Zakayo akarakisha mkushuka. Et le reçu avec joie. Na akampokea na furaha. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui avait frappé Zachée? Ni nini le mpigaga Zachée musubgusa? Zachée savait qu'il était méconnu de cet homme. Zachée riwa semo le muntu ashimujua. Maintenant que cet homme s'arrête. Sasa vile le muntu anashimama. Il appelle par son nom. Na anamuita kujina lake. Zachée comprit. Zakayo kaelewa. Que cet homme de Jésus. Na kwamba huyu muntu Yesu. Était le prophète promis. Njo ule nabii mwenye kulakiwa. Il allait venir. Ule alipasha kuya. C'est pourquoi il a même découvert son nom. Njo kwa maana hata alifumbula jina lake. C'est pourquoi il l'appelle. Njo kwa maana alimuita. Il lui demande de descendre. Akamwambia shuke. Et lui s'est hâté de descendre. Na yeye akafanya haraka akashuka. Et il est reçu avec joie. Na akampokea Yesu na furaha. Et je vais lire quelque chose. Namita soba ukitu kimoya. Dans Zachée, l'homme d'affaires. Muzakayo muntu mufanya biashara. Paragraphe 60. Nukta yake makumi sita. Cette prédication fait madame l'a apporté le 21 janvier 63. Ima ubiri ndugu brava ubiri le 21 janvier 1963. À Tucson, Arizona. Kule ku Tucson, Arizona. Aux États-Unis d'Amérique. Ou America. Nous sommes au paragraphe 60. Tuko mnukta yake makumi sita. Maintenant, nous voyons. Ça, ça tunaona. Alors que Jésus reprend son chemin, descendant la rue, Zachée soulève sa feuille un peu plus haut. Il veut avoir une très bonne vue de lui pendant qu'il passe. Eh bien, il est entièrement couvert, très bien camouflé. Et après un moment, il doit soulever comme ceci pour regarder. Jésus venait juste en dessous de lui. Juste comme il allait passer, Jésus s'arrêta. Il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre de l'arbre. Aujourd'hui, Léo, je vais dîner avec toi dans ta maison. Quelle différence! Il a su que c'était un prophète que l'Éternel Dieu avait suscité. Non seulement il savait qu'il était dans l'arbre, mais il connaissait son nom. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à séparer la moelle de l'os. Et le juge les sentiments et les pensées du cœur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et a habité parmi nous. Et nous l'avons contemplé. Naturiangaria, le Fils unique venu du Père. Mwana wa peke mutokia kwa baba. Il était là. Alikuwa pale. La parole de Dieu manifestée à Zachée. Neno ya Mungu yakanishwa kwa Zakayo. Il est descendu de l'arbre en toute hâte. Alishuka kumuchi na haraka sana. Pour se repentir. Njoo ya kutubu. Vous achetez l'homme d'affaires présent ici ce soir. We Zakayo mtu mfanye biashara kwa hapa magharibi ya leo. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas vous cacher sous les feuilles de figuier. Kumbuka sema wezi uficha mchini ya majani ya mtini. Il sait exactement où vous êtes assis. Anajua bya kweli pale fashuiko. Il vous connaît. Anakujua. Il sait qui vous êtes. Anajua woku nani. Il connaît votre nom. Anajua ta jina lako. Il sait pourquoi vous êtes ici. Anajua jua nini uko hapo. Il sait tout à ce sujet. Anajua yote njua kwa wewe. C'est juste. Ni bya kweli. Et nous qui l'avons rencontré et qui les connaissons et qui sommes devenus ses disciples, nous savons ce qu'il est et ce qu'il fait pour les gens. Nous savons qu'il reste les mêmes. Zachée est descendu avec une attitude de repentance. Le nom de Jésus-Christ est sa glorie. Zachée a entendu sa voix. Wakati Zakayo alishikia sauti yake. Lui qui s'était bien caché. Yeye alikuwa mwenye kujificha mzuri sana. Quand Zachée a compris que le Seigneur l'a découvert. Wakati Zakayo alivumbula sima Bwana na mvumbula. Et voilà, il appelle par son nom. Na anamuita hata mjina lake. Zachée a compris qu'il était le prophète promis. Zakayo kaelewa sasa alikuwa ni nabii mwenye kulakiwa. Et cela a été comme un coup de foudre dans son cœur. Et Zachée s'est hâté de descendre. Et quand il descendait, ce spectacle, il est mambo, un pécheur, mutenda zambi, dans la présence du Sauveur, muwepo wa Mwokozi, les yeux dans les yeux, macho kwa macho. Regardez maintenant l'attitude de Zachée. Mwangalie sasa hali ya kujiongoza ya Zakayo. Le Seigneur ne l'a pas supplié. Bwana shikumusi. Le Seigneur ne l'a pas dit, Zachée, tu vois. Bwana shikumwambia Zakayo, unaona. Tu agis mal. Ulitenda mbaya. Tu es un escroc. Uko mtu wa kuibia. Tu es un voleur. Uko mwizi. Tu amasses de l'argent sale. Uko na baba unaweza kuta mchafu. Yeye mwenyewe. Quand il s'est retrouvé dans sa présence. Wakati alijikuta mwepo wake. La bonté de Dieu. Wema ya Mungu. A poussé Zachée. Il msukuma Zakayo. Était dans sa présence. Mwepo wake. A se repenti. Anze kutubu. L'on se tourne vers Dieu. Wakati unageukia Mungu. Pas la repentance. Na kutubu. La repentance. Kutubu. Est le premier pas. Dans la vie d'un disciple. C'est lui qui se tourne vers le Seigneur. L'Esprit de Dieu. Roya Mungu. Le pousse à la repentance. Et il t'a musukuma paka mukutubu. C'est la première expérience. Jo onjo ya kwanza. Dans l'ordre des expériences. Muma atue ma onjo. Qui se rattache au salut. Ile nambatana kuokovu. Vous ne pouvez pas vous tourner vers Dieu. Awezi kumgeukia Mungu. Sans d'abord vous repentir. Bila kwanza kutubu. Il y a un ordre. Kuko usawa. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant le bœuf. Awezi kubeba gari yako niweka mbele ya ngombe. Ceux qui connaissent comment le bœuf d'attelage travaille. Vie baba najua kama vile namna ngombe inatumika. On met le bœuf en première position. Puis on attelle la charrue. Et le bœuf traîne la charrue. Pour labourer. Vous qui êtes moderne. Vous savez que c'est on laboure avec les tracteurs. Mais vous ne pouvez pas placer la charrue devant les tracteurs. D'abord c'est le tracteur. Mbele ni ile machine. Et derrière le tracteur, on attend la charrue. Na nyuma ya tracteur wanaweka ku majembe. Et l'on se tourne vers Dieu. Na bana mgeukiaka Mungu. Par la repentance. Na kutubu. Un homme qui se trouve dans la présence du Seigneur. Mutu anajikuta mwepo wa Bwana. Le Saint-Esprit le pousse premièrement. Rome takatifu kuna msukuma kwanza. À reconnaître. Apate kutambua. Sa position de pécheur. Ali yake ya mtenda zambi. Sa position de perdu. Ali yake ya muntu mwenye kupotea. Et de condamné. Na muntu mwenye kukumiwa. Dans la présence. Mwepo. D'un Dieu qui sauve. Ya Mungu leko na okoa. Et regarde le sauveur. Na nangaria mwokozi. En le voyant dans ses souffrances. Mukumuona ndani ya mateso yake. Et cela brise le cœur du pécheur. Na ile kunavunja moyo ya mtenda dhambi. Et cela la triste. Na ile namuzunisha. Et il expérimente une tristesse. Na anaonja uzuni. Un brisement de cœur. Kuvunjwa kwa moyo. Il réalise qu'il est un pécheur perdu. Anajitambua sasa kumtenda dhambi mwenye kupotea. Condamné. Mwenye kukumiwa. Il est dans ce monde sans Dieu, sans foi. Anazali kwa mwi dunia bila Mungu, bila imani. Et tout ce qu'il a fait, il l'a mal fait. Na biote bila rifanya, rifanya mpaka mubaye. Il se rappelle qu'il n'est rien. Anakumbuka sema ana kitu ata. Et il réalise. Na natambua. Qu'il est un pécheur perdu et condamné. Yakombe kumtenda zambi mwenye kupotea na mwenye kukumiwa. Et qui se trouve devant un Dieu qui sort. Na anajikuta mbele ya Mungu na naokoaka. Et il le voit à travers ses souffrances. Na eko na muangaria kupitia mateso yake. À Gethsemane. Ule ku Gethsemane. À Golgotha. Ule ku Golgotha. Pour lui en tant que pécheur. Wake yesa mtenda zambi. Afin de le sauver. Kusudi apate kumwokoa. De la perdition. Kumkupotea kwake. Et de la condamnation. Na kumuokoa kuhukumu. Et le pécheur. Na mtenda zambi. Sans. Anashikia. Comme si le fardeau de ses péchés. Sawa tu mzigo ya mazambi yake. L'opprime. Inamsonga kabisa. Le presse. Inamufinya. Il réalise que ses péchés. Anatambua kusema mazambi yake. Sur un fardeau. Inakuwa ni mzigo. Qui l'opprime. Ile namuvinya. Qui le presse. Ile namsonga. Alors étant poussé par l'Esprit de Dieu. Na mwenye kusukuma na roho ya Mungu. Il crie maintenant à Dieu. Ananza kulalamika sasa kwa Mungu. Pour demander à Dieu. Jua kulomba kwa Mungu. De le secourir. Apate kumsaidia. Pour demander à Dieu. Ananza kulomba kwa Mungu. De le pardonner. Apate kumsamehe. Pour demander à Dieu. Jua kulomba kwa Mungu. De le sauver. Apate kumokoa. Pour demander à Dieu. Jua kulomba kwa Mungu. De le libérer. Apate kumfanya huru. Na ile mzigo ya dhambi. Alors l'Esprit de Dieu. Pale sasa roho ya Mungu. Commence à agir. Inaanza sasa kutenda. Dans le cœur du pécheur. Ndani ya moyo mtenda dhambi. Lui donna la connaissance d'elle-même. Mkumpatia ufahamu yeye mwenyewe. Et ce pécheur crie. Na ule mtenda dhambi analalamika. Pressé par le regret. Mwenye kusongwa na huzuni. Sincère. Ile ya upana. Il est brisé. Dans son cœur. Il crie maintenant à Dieu. Il demande pardon à Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient pour séparer le pécheur avec son péché. Quand l'Esprit de Dieu wakati roho ya Mungu vient séparer inakuwa kutenganisha le péché d'avec son péché, mtenda zambi na zambi yake, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Unapitikana kitu kama kiajabu. L'Esprit de Dieu roho ya Mungu sépare le pécheur inachanisha mtenda zambi d'avec son péché na zambi yake mwenyewe. C'est ça qu'on appelle pardonner. Jo ile wanaita sema kusamehe. Pardonner signifie kusamehe, maana yake ni séparer le péché, kuachanisha mtenda zambi d'avec son péché na zambi yake. Pardonner signifie faire partie. Pardonner signifie renvoyer, libre l'opprimé et le poids des péchés. Na mzigo ya zambi, lorsqu'il est ôté, wakati wanaitosha, l'Esprit de Dieu roho ya Mungu vient dire à l'Esprit de l'homme, inakuwa kuambia roho ya mtu, sasa hapa sasa je t'ai pardonné, mimi nakusamehe. Que maintenant hapa sasa tu es sauvé, uko mwenye kokolewa. Que maintenant hapa sasa tu es réconcilié avec unapatanishwa na Mungu. Hapa sasa tu es libéré de la condamnation, unafunguliwa na hukumu. Hapa sasa tu es sorti de la mort, unatoka mulufu à la vie, unaenda kubujima. Hapa sasa tu es devenu un enfant de Dieu, unakuwa mtoto wa Mungu. Et le pécheur na mtenda zambi passe de la tristesse, anatoka kuhuzuni, à la joie, anaenda sasa kufura. À ce moment-là ile wakati il reçoit, anapokea un nouveau cœur, moyo mpya. À ce moment-là ile wakati il reçoit, anapokea un nouvel esprit. Romupia. À ce moment-là, le cœur de Pierre, mambo ya maombi, manaitosha, moyo wa juu anatosha, anapokea sasa moyo wa munofu. Il reçoit la certitude. Anapokea sasa kikisho. Que ses péchés nous sont pardonnés. Ya kwamba mazambi yake nasamehewa. Il reçoit la certitude. Anapokea kikisho. Qu'il est sauvé. Ya kwamba iko mwenye kuokolewa. Il reçoit la certitude. Anapokea kikisho. Qu'il est passé. Anapita sasa. De la mort. Kulufu. À la vie. Anenda kubuzima. Il reçoit la certitude. Anapokea ile kikisho. Qu'il est enfant des hommes. Ya kwamba mtoto wa Mungu. Anakuwa sasa. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Il a la certitude. Anakuwa ta kikisho. Que quelqu'un perdu est condamné. Mtu alikuwa mwenye kupotea kukumiwa. Anakuwa huru. Il est passé de la mort. Anatoka kulufu. À la vie. Anenda. C'est cela qui le rend heureux. Jo ile namfanya na kwa nafura. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jina Yesu tukuzwe. C'est ça le bonheur. Jo inyekwa ra. D'un chrétien. Ya mu Kristu. D'un disciple de Jésus Christ. Ya mufuasi wa Yesu Kristu. Alléluia. Amen. Les catholiques. Batu ya katolika. Déclare un homme bienheureux. Be unasema mtu kwa heri. Après sa mort. Nikisha lufu lwake. Pendant qu'il est encore en vie, il est toujours un pauvre pécheur. Jusqu'à l'heure de sa mort, il est toujours un pauvre pécheur. C'est quelques années après sa mort que le pape maintenant le déclare bienheureux. Mais l'enseignement des saintes écritures, lakini mafundisho ya maandiko takatifu, déclare un homme bienheureux. Yeye unasema mtu ni waheri. Lorsque l'homme reçoit le pardon de ses péchés. Wakati mtu anapokea usamehe wa madhambi yake. Romains chapitre 4. Wa Roma sura ya 4. Verset 6. Mstari wa 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute. Vile vile Daudi yeye unasema heri kwa yule mtu Mungu ashimwekee dhambi. Ah. La justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est lorsque le péché se répand. C'est lorsque le péché reçoit la certitude du pardon. Que Dieu le déclare bienheureux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est cela le premier pas. Dans la vie d'un disciple. De celui qui se tourne vers le Seigneur. Il doit expérimenter un brisement de cœur. Il doit expérimenter une tristesse selon Dieu. Qui vous amène à la repentance. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Ça, c'est une nuit. Dans nos églises. Makanisa yetu. Lorsque les prédicateurs prêchent. Wakati mubira na ubiri. Vous voyez une sœur qui pleure à chaud de là. Unaona mudada mwanaria na machozi sana. A vous pensez qu'elle est touchée? Munawazia sema naguswa. À la fin. Mwisho. Vous l'appelez ma sœur. Unamuita dada yangu. Qu'est-ce qui a touché votre cœur? Nini rigusa moyo wako? Oh, quand j'ai entendu le prédicateur prêcher. Wakati lishia mubira na ubiri. J'ai réalisé la maltraitance dont je suis l'objet à la maison. Lakini niliona mwali yangu vile ni kukishina kunyumba. Huyu bwana mwenye niko naye ananiteswa sana. Ce mari que j'ai me fait beaucoup souffrir. Wa mbosho wa nini? Ni me donne rien za moi. Mais ça comme quoi ma bouche est beaucoup bien. Mes amis qui sont dans les marais sont bien. Ça niko naye pour kunipika kunichakula. Mais celui avec qui j'ai me frappe et m'injurie, il boit le boisson. Je parle de ce qui est ma Mungu sasa mimi nilikufanyana nini? C'est pour cela quand j'ai entendu les prédications, j'ai dit mon Dieu, moi qu'est-ce que je t'ai fait? Ce n'est pas de cette tristesse là dont nous parlons ici. Ah, il n'est pas une tourne semé à papa. Non, apana. Après avoir écouté la prédication, vous voyez. Kisha ushia mubiri na kisha unaona nduku mwanaria. Vous l'approchez. Mnamkaribia. Frère, nduku. La parole a touché votre cœur. Nene rugusa moyo wako. Frère, quand j'étais vu prêcher. Wakati miliko na nduku na ubiri. Mina kumbuka vile mina teso mkambo vium. Je me souviens comment j'ai souffert sa kambo. Makasi ya kuyota ikamachika ikamachike. Toutes mes activités ne marchaient pas. Je n'ai pas d'emploi. Les champs, les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi j'ai pleuré vers Dieu en me disant que moi, à quoi tu penses pour moi? Frère, Duku, ce n'est pas de cette tristesse-là dont il est question ici. Et c'est beaucoup de pleurs que nous voyons dans l'église. Vous pleurez parce que vous êtes déçu dans le mariage. Vous pleurez parce que vous manquez de travail. Vous pleurez à cause de la vie chère. Ce n'est pas de ça. Dans de la repentance, il se passe des choses. Le péché qui se tourne vers Dieu doit se reconnaître perdu et condamné. La deuxième chose, que vous croyez que Dieu est votre sauveur. Unapasha kuamini sima Mungu ni mwokozi wako. Et vous ne considérez à travers ses souffrances. Na unamwangalia kupitia mateso yake. Qu'il a souffert pour vous. Il a liteswa juu yako. Pour vous racheter. Dieu kukomboa. C'est pourquoi la véritable repentance. Dieu kwa maana kutubu kwa kweli. Doit être poussé par l'esprit de Dieu. Unapasha kusukumwa na roho ya Mungu. Qui vous pousse à expérimenter un saint regret. Ili na kusukuma upate kuonja huzuni ya kweli. Un brisement de cœur. Uvunjika kwa moyo. Qui vous chauffe. Ile na kuchamusha. Jusqu'à ce que vous fondez comme le beurre sous le soleil. Ufika na pale utayeyushwa sawa manteka papa juu. Tout est chauffé complètement. Byote vinawaka moto. Vous expérimentez la tristesse. Unaonja huzuni. Et de la tristesse. Na kuanzia kuzuni. À cause de la certitude du salut. Juu ya uhakikisho ya pardon. Kwa sababu ya uhakikisho ya usamehe. Unatoka kuzuni. Unaenda kufurahi kwa masifa na kutukufu. Le nom de Jésus soit glorifié. Jina Yesu tukuzwe. Parce que ça marche par toi. Sababu na itembea kama mbintu mamu namna tatu. Repentez-vous. Mutubu. Et convertissez-vous. Na mugeuke. Pour que vos péchés soient effacés. Lorsque vous vous tournez vers Dieu par la repentance, il s'en suit une conversion. Et après, il y a le pardon. Le pardon du péché. Et l'Esprit de Dieu témoigne. À votre cœur que vous êtes devenu son enfant. L'Esprit de Dieu vous donne la certitude que vos péchés vous sont pardonnés. Que d'ennemis vous êtes devenu ami de Dieu. Que vous avez été réconcilié avec Dieu. Que vous avez reçu la certitude du salut. La certitude que vos péchés sont pardonnés. Que vos péchés sont pardonnés. Est-ce que nous sommes ensemble? En ce moment-là, vous recevez un nouveau cœur. Et un nouvel esprit. Na mupia. Le cœur de pierre est ôté. Ile moyo wa majiwe na ondoshu. Vous recevez un cœur de chair tendre. Unapokea sa moyo wa mnofu. Qui est réceptif. Ile napokea sasa. Qui est tendre. Ile kuya teke teke. Qui sait se mettre à la place des autres. Ile najua kujiweka pa fazi ya bengi. Maintenant. Sas. Aujourd'hui dans l'église, Léo Mukanis, qu'est-ce que nous réalisons? Nini tukunaona? Nous voyons encore la méchanceté. Tunaona sema bukaidi bubai. Parmi les enfants de Dieu. Katikati ya batoto ya Mungu. De cœur dur. Ma mioyo ya nguvu. Parmi les enfants de Dieu. Katikati ya batoto ya Mungu. Qu'est-ce qui est à la base? Nini kunaleta ile? Beaucoup d'entre nous. Ba mingi katikati yetu. On contourne la repentance. Ba ripita pembeni ya kutubu. Zakayo. Hâte-toi de descendre. Harakisha ushuke. Ne dites pas. Hapana kusema. Je suis un ancien frère. Niko nduku wa zamani. Ça ne fait rien dire. Il y a iseme kitu. Le problème c'est la repentance. Mambo, et la conversion. Ni kutubu na kugeuka na kusamewa. La Bible dit si vous ne vous repentez pas. Biblia inasema kama utubu, vous périrez. Utakufa. Aujourd'hui. Léo. Dans les églises. Muma kanisa. Pour prier, jutu ya kuomba, votre sac ici, votre téléphone ici. Saki yako kungambo moya, téléphone yako kungambo moya. Vous priez, ukunaomba. Parce que vous laissez votre sac. Sababu kama unaacha saki yako. Si vous laissez votre téléphone. Kama unaacha phone yako. Les frères vont voler. Banduku bataiba. Dans l'église. Mukanisa. Les sœurs vont voler. Badada watakuiba yo. Dans l'église. Mukanisa. Cette méchanceté vient de d'où? Ile bubaya inatokea wapi? Beaucoup n'ont pas encore expérimenté la repentance. Ils sont encore des cœurs de pierre. Si un frère vient ici donner le témoignage. Église, priez pour moi. Dieu m'a béni. Demain j'irai en Turquie. Dans mon champ, je récolte le maïs. J'ai vendu, j'ai 10 000 $. Maintenant, je vais en Turquie, église, priez pour moi. Les frères ici, ils vont chercher des bandits à main armée. Ils mettent des cagoules pour venir jusque chez toi. Les frères sont derrière les voleurs. Et les voleurs entrent dans la maison pour dire, donne les 10 000 $. Laisse les 10 000 $. Tu vas aller en Turquie. On n'a pas chaque fois dans Turquie. Avec les canaux pointés sur toi. Donne 10 000 $. Tu as vendu le maïs de ton champ. Donne 10 000 $. Sinon tu meurs. Les frères sont derrière mais ils ne parlent pas. Mais les insuffisants, c'est eux qui te malmènent maintenant qui te torturent. Quand tu sors les 10 000 $. Oui, maintenant ils te disent, nous ne connaissons même pas ici. Ce sont vos frères qui nous ont amenés ici. Cette méchanceté-là vient d'où? Sachez, toi, voleur, bandit qui est ici. Hâte-toi de descendre. Répands-toi. Sinon, vous périrez. Dans l'église. Mukanisa. Des frères qui mettent l'argent ensemble. Bah, pour moja, travailler. L'un prend l'argent et fouille. Na feza, na il faut l'autre. D'où vient cette méchanceté? Ukaidi c'est le manque de la repentance. Ni kukosa kupitia kutubu. Ce cœur dur là, c'est le manque de la repentance. Ile moya nguvu, ni kukosa kutubu. Si tu ne t'es pas encore repenti, tu demeures dans la mort. Kama hauyatubu bado, ngariki mulufu. Il n'y aura pas de ciel pour toi. Hakutakuwa mbingu yako. Tu attends l'enlèvement pour rien. Uko nachunga kunyakuliwa mwabule. Tu es encore perdu et condamné. Ungariki mwenye kupotea na mwenye kuhukumiwa. Repens-toi. Tubu. Convertis-toi. Geuka. Pour que vos péchés soient effacés. Kusudi manzambi yako pate kuizimisha. Un frère dans l'église qui enceinte la femme d'autrui dans l'église. Anapatia bibi wa mwingine mkanisa mimba. Cette méchanceté. Ile ukali. Cette sœur là. Ule dada ule. Est-ce que c'est repenti? Est-ce que la raison vaut? Ce frère là. Ule nduku ule. Qui séduit la femme d'un frère. Eko natongoza bibi wa mwingine. Quelle méchanceté. Ukaidi kani. Un jeune frère. Bichijana. Qui suit une jeune fille ici. Nduku kijana eko nachafusha binti wa mwingine kanisa. Quelle méchanceté! D'où vient ce cœur dur? Il est moins mougu yangu. Vous avez contourné la repentance. Où l'ien n'a pas mené à Kutu. Dieu t'a vu. Mungu alikona. À toi de descendre. Rakisha kushuka. Sinon tu périras. Wabule utakufua. On ne se moque pas de Dieu. Aba mchekele yake Mungu. C'est qu'un homme aura semé. Kile mtu atapanda. Il est moissonnera aussi. Ata kivuna. Il n'y a pas de plus grand message que cela. Hakuna ujumbe munene mu Kutu. pour l'église du Nouveau Testament. Dieu a il n'y a pas un plus grand message que celui-là. Hakuna ujumbe kupita ile. La repentance. Kutubu. Paul dit. Paulo anasema, c'est la chose utile. Dieu kintu kia mafa. Il dit que j'ai prêché sans vous cacher. Asema miri miri miubiri bila kumificha. Dans les maisons et en public. Mumwa nyumba na fazi ya bantu bote. J'ai prêché la repentance envers Dieu. Miri ubiri kutubu kwa Mungu. Et la foi en Jésus-Christ. Na imani ndani ya Yesu Kristo. Actes des Apôtres chapitre 20. Matendo ya mitume sura makumi mbili. Verset 20. Mstari ya makumi mbili. Vous savez. Munajua. Que je n'ai rien caché. Mishiku fiche kitu. De ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher. Et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux Juifs. Et aux Grecs. La repentance envers Dieu. Et la foi. À notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai prêché ce qui est utile. Nous attendons le retour de Jésus. Mais nous remarquons que la méchanceté devient de plus en plus grande dans l'église. Un frère qui bastonne sa femme, qui la laisse sans vêtements. Et vous dites que celui-là est sauvé. Un frère qui fait comme ça, qui est sauvé. Non. Une sœur rebelle. Dada mtombozi. Insoumise. Washipokuti. Interdit. Wa moyo wa nguvu. Qui maltraite les enfants de son mari. Eko natendea mubaya batoto ya mume wake. Qui maltraite sa belle-mère. Eko natesa mama yake muku. Le mari, la mère de son mari. Mama wa bwana yake. Kwake yeye ule mama wa bwana yake ni mlozi. Et vous dites que cette femme-là est sauvée. Na mnasema ule mwanamke ule dada ule mwenye kuokolewa. Mais elle connaît tous les titres de prédication. Lakini anajua mahubiri yote mashina yayo. Zaché, non. Zakayo hapana. Elle fait là, avait déjà prêché ça, je connais. Zaché, Zaché. Zakayo. À toi de défendre. Haraka ufanye haraka ushu. Qui que tu sois. Iukwe nani. Examine-toi. Ujichunguze. Si ton cœur est dur. Kama moyo wako kwa nguvu. Si y a de la méchanceté. Kama mungu kaidi ndani. Si n'as pas encore reçu le salut. Auyapokea bado ko. Si encore perdu. Ungariki mwenye kupotea. Condamné. Mwenye kukumiwa. Sans Dieu. Bila Mungu. Sans foi. Bila imani. Pas d'enlèvement pour toi. Hakuna kunyakuliwa juu yako. Pas de ciel pour toi. Hakuna mbingu juu yako. Pas de baptême du Saint-Esprit pour toi. Hakuna ubatizo wa Roho Mtakatifu juu yako. Vous devez commencer. Unapasha kuanzia. Pas de commencement. Kupitia kumwanzo. Observez Zaché. Mwangarishe Zakayo. Jésus. Yesu. N'a pas négocié avec lui. Ashikufanya na masumuzo. Aujourd'hui tu vois Zaché, tu vois. C'est dangereux ce que tu fais. Unaona Zakayo, ni mbaya vile unafanya. Hapana. Aujourd'hui, la repentance, nous vous forçons. Leo kutubu, tunaanza kumikazisha. Frère, est-ce que tu reconnais? Non. Tunajua, unatambua, hapana. Est-ce que tu reconnais? Non. Tunatambua, hapana, hapana. Maintenant, quand on fait maintenant une confrontation, sasa, wakati wanamipinganisha, c'est lui qui disait non, non, non, non. Wewe unasema hapana, hapana. Oh, j'accepte parce que seulement il a dit. Oh, mine chika tu ndio alisema. Pour ne pas avoir de discussion. Tunishukwe tunakubishanisha. Huko mtu wa bongo. Méchant. Mtu mubaya. Perdu. Mtu wa moyo wa mubaya. Sachez. Zakayo. À toi de descendre. Fanya haraka ushuki. La repentance véritable doit être poussée par l'Esprit de Dieu. Kutubu kwa kweli kunapasha kusukumwa na Roho ya Mungu. L'Esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Doit te pousser à la repentance. Inapasha kusukuma utubu. Romains chapitre 2 verset 4. Wa Roma sura ya 2 mstari ya 4. Où méprises-tu? Yetu unabeula. Les richesses de sa bonté. Utajiri ya wema yake. De sa patience. Ya uvumilivu yake. De sa longanimité. Ya uvumilivu yake ya mrefu. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Unakosa kujua sema wema wa Mungu unakusukuma kutubu. Mais par ton endurcissement. Lakini kwa moyo wako mgumu. Et par ton cœur impénitent. Na moyo wako ashipo kutubu. Tu t'amasses un trésor de colère. Unajikusanyikia hazina moyo wako sira. Juu ya siku ya sira. Et de la manifestation. Na yakonokanishwa. Du juste jugement de Dieu. Ya hukumu ya kuendelea ya Mungu. Qui rendra à chacun. Ile tafanishia kwa kila mtu. Selon ses. Regardez Zaché. Quand la bonté de Dieu a touché son cœur, wakati wema ya Mungu iligusa moyo wake, il s'est hâté de descendre. Alifanya haraka mkushuka. Et il est reçu avec joie. Na akampokea na furaha. Et il s'est mis à se repentir. Nakaanza kutubu. Pendant qu'il se repentait. Wakati alikuwa anatubu. Le Seigneur l'observait. Bwana alikuwa anangarishisha. Le Seigneur l'observait. Bwana alikuwa anangalia. Après la repentance. Kisha kutubu. Le Seigneur prononce la parole. Bwana anatangaza neno. Et c'est qu'aujourd'hui. Asema leo. Lâchez. Zakayo. Le salut. Okovu. Est entré dans ta maison. Inaingia mnyumba yako. Tous ceux qui étaient autour. Bale bote alikuwa pembeni. Balalamika. C'est un pécheur. Ni mutenda zambi. Jésus dit oui. Yesu anasema ndio. Pécheur il l'est. Mutenda zambi ndio kile yeko. Lakini. C'est un fils d'Abraham. Ni mtoto wa Ibrahim. Wakati wa Ibrahim alikuwa kutafuta na kuokoa mwana wa mtu alikuwa kutafuta na kuokoa baadhi kokote. Mungu anachukia dhambi. Mais il aime le pécheur. Lakini anapenda mtenda dhambi. La repentance. Kutubu. Et pour ceux qui sont déterminés au salut. Ni kubali beko bali kupangiwa kuokovu. Tous ceux qui sont déterminés au salut. Bale benye kwa benye kujipangi benye kupangiwa kuokovu. Il trouve plaisir de se repentir. Bana unaka mzuri wa tubu. Lorsqu'il se tourne vers Dieu. Wakati bana mgeukia Mungu. Parce que la repentance. Sababu kutubu. Et pour ceux qui sont déterminés au salut. Ni abale basha kubapangiwa kuokovu. Jésus dit Zachée. Yesu akasema Zakayo. Et aussi un fils d'Abraham. Naye pia ni mtoto wa Ibrahim. C'est pourquoi il s'est repenti. Et il a reçu le salut. Il dit c'est ça que je suis venu faire. Chercher. Utafuta. Et sauver. Na kuokoa. Ce qui était perdu. Et cet homme. Na huyu mungu, que vous dites pécheur. S'est repenti. Anatubu. Parce que c'est un enfant d'Abraham. Sababu ni mtoto wa Ibrahim. Les enfants d'Abraham. Batoto wa Ibrahim. Sont obéissants. Beko batifu. À la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Et la repentance na kutubu fait partie des premiers pas ni sehemu ya tuwa ya kwanza na la marche ndani ya safari d'un disciple ya mfuasi. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti mwune nifuata? C'est le temps nous devons maintenant nous examiner. Njo wakati tunapasha nshe kujichunguza sasa. Jésus vient bientôt. Yesu unakuja hapa sasa. Ne dites pas, tout le monde me connaît. Apana kusema batu wote wananijua. Ça ne veut rien dire. Aiseme kitu. Je suis femme d'un prédicateur. Niko je suis la femme d'un diacre. Bibi wa mubiri wa shemashi. J'ai fait ceci dans l'église. Mirifanya hivi mkanisa batu wote wananijua. Aiasema kitu vile vyote. Mais d'où vient alors toute cette méchanceté? Sasa ile ukaidi yako inatokea wapi? Pourquoi tu as un cœur méchant? Jua yuko na roho ya mbaya. Roho ya nguvu. Tu demeures encore dans la perdition. Unabakia ungariki mwenye kubakia mupote. Humilie-toi. Ujinyenyekeze. Hâte-toi de descendre. Fanya haraka ushuke. Humilie-toi. Ujinyenyekeze. Il y a certains qui pensent que kubeni wanawazia sema. Et même dans les églises de messages comme on appelle. Ah, ta mwenye makanisa ya ujumbe vivyo wanaita. Ils enseignent que. Be unafundisha ya kwamba. Celui qui a cru au message il est sauvé. Ule aliamini ku ujumbe anaokolewa. C'est faux. Ni vya bongo. Le message ne sauve pas. Ujumbe yana hiyo inaokoa. Mais c'est en Jésus Christ. Wokovu kundani ya Yesu Kristo. Vous devez d'abord vous tourner vers Dieu. On a pas chaque fois qu'on vient à Mungu kupitia kutubu. Recevoir la vie éternelle. Na kupokea uzima milele. Ensuite maintenant, croire au message. Kisha sasa uamini kwa ujumbe. Pour être préparé. Ju pata kutayarishiwa. Kusudi pata kwenda mkunyakuliwa. Les fausses doctrines enseignent que. Mafundisho ya bongo nafundisha kwamba. Celui qui a reçu ce message. Ule alipokea ujumbe. A reçu le Saint-Esprit. Anisha kupokea Roho Mtakatifu. Ni bia bongo. Pour recevoir le Saint-Esprit, donc pour qu'il y ait un mtakatif, vous devez commencer par la conversion. On a pas cherché à dire mais les mukugeuka. Pierre a dit. Pétro a dit ça. Repentez-vous. Mutubu. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La moitié on a baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous allez remissionner vos péchés. Dieu a mazamba qui endosse. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nam tapokia zawadi aro mtakatif. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jina Yesu tukuzwe. Je vais appuyer. Mita shimamia mambo parce que Ewald de Franck a dit. Na ile Ewald Franck alisema dans le sermon prêché le 2 novembre 1985. Mahubiri ya le 2 novembre 1985 qui a été rediffusé le samedi 12 juin 2021. Ile bari pitulukaka kama tena le samedi juillet 2 juillet 1921. Et cela a été saisi imprimé ici sous forme de brochure. Et je vais lire. Je commence à partir du verset 6. Et là, il y a un frère qui a demandé à un autre. Est-ce que tu as déjà été baptisé d'eau? Il a dit bien sûr, bien sûr. Muzuri. J'ai été baptisé même deux fois. Et ça ne suffisait pas au frère. Et il a encore demandé. Est-ce que tu t'es repenti de tout ton cœur avant de te laisser baptiser? Mais repenti? Non. Je ne me suis pas repenti. Et le frère a dit, donc tes deux baptêmes d'eau ne t'ont servi à rien. Car il est écrit, repentez-vous, et ensuite, Nakisha, que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission, le pardon de vos péchés. D'abord, la repentance. Kwanza ni kutubu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti, d'abord, kwanza. La repentance. Kutubu. C'est très bien. Nyamuzuri-san. Je le dis peut-être parce que nous sommes à la paix. Mukartasia kia saba. Je le dis peut-être parce que tous nous voulons être prêts quand le Seigneur reviendra. Nous ne voulons pas seulement avoir baptisé des hommes. Mais nous voulons avoir baptisé des hommes qui ont expérimenté un brisement intérieur. Qui ont été brisés. Et surmontés par l'Esprit. Où tout a réchauffé et a fondu comme du beurre sous le soleil. Combien de dureté de cœur! Combien de dureté de cœur! Ah! Des méchancetés! Existe parmi les croyants. Le cœur est encore comme une pierre. Et cela veut dire qu'il n'y a même pas encore un nouveau cœur. Dieu nous a promis qu'il veut ôter le cœur de pierre. Et nous donner un cœur de chair. Qui est réceptif. Qui ressent. Qui est sensible. À l'autre. Qui a de la miséricorde de tout son cœur. Nous pouvons en fait nous examiner nous-mêmes sincèrement pour voir ce que Dieu a déjà pu faire en nous et ce qui doit encore être fait. Chacun qui n'a pas encore reçu ce nouveau cœur, dans lequel il n'y a vraiment pas de compassion divine, de ressentir les douleurs de l'autre. Celui qui n'a pas encore reçu un cœur dans lequel le Seigneur peut habiter, un cœur dans lequel le Seigneur peut habiter est un cœur changé. Transformé, nouveau, qui ressent, qui porte, qui succombe, qui croit, qui ressent les douleurs du prochain. S'il y a encore de la dureté, de la méchanceté, et si on a toujours raison, c'est toujours les autres qui ont mal fait, avec les poings sur la table. Vous voyez, c'est ce qui arrive. On a toujours raison. Que Dieu nous vienne en aide. Il est plus tard que vous ne le pensez. Jésus vient bientôt. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.